التعريف بالنفس. Les présentations. اسمي إيفيلين. Je m'appelle Eveline. أنا من أصل يوناني. Je suis d'origine grecque. عندي 60 سنة. J'ai 60 ans. لدي 3 أولاد، توأم أولاد عمرهم 40 سنة وبنت عمرها 28 عام. J'ai eu 3 enfants, des jumeaux qui ont aujourd'hui 40 ans et une fille de 28 ans. أنا جدة منذ عام. Je suis grand-mère depuis un an. إنه أول حفيد لي وأنا سعيدة جدا به. C'est mon premier petit-enfant et je suis très heureuse de l'avoir. أملي هو أن أتجول بالبالون الطائرة. Je rêve de faire un tour en montgolfière. اسمي سارة. Je m'appelle Sarah. أنا مولودة بتونس ودرست حتى البكالوريا هناك. Je suis née en Tunisie où j'ai passé mon baccalauréat. أتكلم الفرنسية، العربية وقليلا من الإنجليزية. Je parle français, arabe et un peu anglais. تزوجت وبعدها جئت لأقيم في فرنسا في عام 1987. Je me suis mariée et juste après, je suis venue m'installer en France en 1987. لدي 4 أولاد وثلاثة أحفاد. J'ai 4 enfants et 3 petits-enfants. أحب ركوب الخيل. J'aime monter à cheval. أملي أن أقوم بجولة حول العالم. Mon rêve est de faire le tour du monde. اسمي روزة. Je m'appelle Rosa. أنا من أصل جزائري. Je suis d'origine algérienne. أعشق الطبيعة. J'adore la nature. أملي أن أقفز من القفاز الطائر. Mon rêve est de sauter en parachute. Je n'aime pas la mer. J'aime le printemps car les oiseaux chantent, les arbres sont en fleurs et l'herbe est verte pour les vaches. أحب الربيع لأن العصافير تزقزق. الأشجار تكون متفتحة والأعشاب خضراء وصالحة للبقر. اسمي كاتي. Je m'appelle Cathy. أنا مولودة بفرنسا. Je suis née en France. إني أعشق السفر. J'adore voyager. عشت كل طفولتي في الترحال من مدينة إلى مدينة. J'ai vécu toute mon enfance à sillonner la France de ville en ville. أحب الجبل، الريف والتجول. J'aime la montagne, la campagne. Me promener. منذ سنوات لم أرحل وأحن إلى هذا. Depuis quelques années, je ne voyage plus et ça me manque. أريد من جديد اكتشاف المدن والبلدان بالمرحلة. J'aimerais à nouveau parcourir les villes et pays étape par étape. اسمي منى. Je m'appelle Mona. عمري 35 سنة. J'ai 35 ans. أنا من أصل مغربي. Je suis d'origine marocaine. أنا متزوجة وعندي 4 أولاد سعيدة معهم. Je suis mariée. J'ai 4 enfants qui me rendent heureux. أحب التجول في العالم لأكتشف مناظر طبيعية جديدة. J'aime voyager à travers le monde pour découvrir de nouveaux paysages.